prends soin de moi aujourd'hui. Je vois la tendresse dans vos yeux. Tout le monde me comprend sans effort, malgré ma voix basse. On prend soin de moi aujourd'hui. Je vois la tristesse dans vos yeux. Je vois votre amour aussi, et ça me rend heureux. Mais le temps est ma douleur, mais le temps s'arrête en douceur. Prends soin de moi aujourd'hui. Je vois tout l'amour dans tes yeux. Toi, mon ami, ma femme, ma vie, je te dis adieu. Mais le temps, et le temps est ma douleur, ma temps s'arrête en douceur.